L'actualité à Nancy et ailleurs. Caroline Houdard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Interbibli et chargée de vie littéraire et lecture publique. Une nouvelle édition de Auteurs en lycée a débuté le 2 février, c'était à Reims, et ça va sillonner donc le Grand Est jusque mi-mai avec des rencontres d'auteurs dans des lycées essentiellement. Alors, on va découvrir ce programme en votre compagnie, mais déjà peut-être un mot sur Interbibli pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ? Alors Interbibli, c'est une association professionnelle de coopération entre les acteurs du livre, de la documentation et du patrimoine écrit dans la région Grand Est. Pour le dire simplement, on est un centre de ressources pour les professionnels de la vie littéraire et du patrimoine écrit, donc les auteurs, les bibliothécaires, les documentalistes, les organisateurs de manifestations littéraires, les archivistes. Et puis l'association accompagne ces professionnels, valorise tout ce qui peut avoir lieu sur le territoire, mais on est aussi opérateur, c'est-à-dire qu'on organise un festival tous les 2 ans au fil des ailes, au mois de novembre. Et puis cette opération, rencontre d'auteurs dans les lycées, qui a lieu tous les ans et qui est un dispositif qui avait été lancé par la région Champagne-Ardenne et qui a été confié à l'association en 2012, puis ouvert à la grande région Grand Est depuis maintenant 2017. Voilà, donc ça existe depuis déjà plusieurs années et de nombreux lycéens ont pu en bénéficier déjà. Exactement. Tous les ans, on invite 7 à 8 auteurs et on organise entre 35 et 40 rencontres dans les lycées de la région Grand Est, dans les lycées agricoles, technologiques, professionnels, généraux. On coordonne le projet, ce qui permet d'aller au plus près et puis d'aller dans des établissements tout à fait différents à la rencontre de toutes les filières qu'on peut trouver en lycée. Ces rencontres, elles se passent comment ? C'est une seule fois ? C'est un rendez-vous avec un auteur, avec des questions-réponses et les jeunes ? C'est ça. En fait, les professeurs qui participent et qui inscrivent une classe vont déposer un dossier et vont préparer et lire. On invite les auteurs avec un de leurs romans ou de leurs recueils de poésie. Donc la rencontre, elle a vraiment lieu autour d'un texte. Les élèves ont lu le livre et ont préparé la rencontre. Alors la forme de la préparation, elle est vraiment à chaque fois très spécifique et elle dépend du projet, de la classe, du cursus. Par exemple, l'année dernière, Gaëlle Josse rencontrait des élèves dans un lycée et ils avaient préparé un des gâteaux du livre avec le professeur de pâtisserie. Donc vraiment, tout est possible. Une fois que le professeur s'inscrit dans le dispositif, il prépare la rencontre et nous, on vient avec l'auteur effectivement, pour une rencontre qui dure à peu près 2 heures, un temps d'échange, de lecture, de questions-réponses. Et puis, après cette rencontre, les élèves peuvent faire dédicacer, ils peuvent avoir un petit temps très personnel avec l'auteur d'échange. Mmh. Et ensuite, on sait aussi que certains reliront des textes, liront d'autres textes, les conseilleront à leurs camarades, et puis peuvent entretenir une correspondance, publier un article, témoignage sur le site du lycée, ou alors parfois même, on avait vu aussi des projets radio avec une interview en direct de l'auteur, et puis un petit montage et une diffusion ensuite quand il y a des projets de radio associative ou de radio d'établissement. Donc c'est vraiment très ouvert. Voilà, avec une belle diversité de possibilités du coup. Donc ça a commencé cette année avec Lisette Lombé, c'était au lycée Georges Brière, c'était à Reims. Bien sûr, donc ça va être sur tout le Grand Est. Pour la région nancyenne, ce sera plutôt au mois de mai avec le lycée Stanislas notamment, je crois. Alors oui, c'est ça. On a une première rencontre à Jarny le 25 mars avec Marion Collet. Marion Collet, c'est une poétesse qui est installée dans la Marne et qui est aussi fille de ferriste. Elle avait fait l'école du CNAC. Et puis ensuite, on reviendra effectivement un petit peu plus tard, au mois de mai, au lycée Jeanne d'Arc avec Fanny Wallendorf, qui elle aussi est une autrice installée dans l'Aube de la région. Elles ne le sont pas toutes, donc je le signale. Elle est traductrice et elle a écrit 2 romans. Elle sera au lycée Jeanne d'Arc et au lycée des métiers entre Meurthe et Sanon, à Dombasle-sur-Meurthe, en mai. Et puis, il y a aussi une rencontre à Villers-les-Nancy, au lycée Stanislas, avec Aurélie Champagne, et à Pont-à-Mousson, au lycée Marquette, en mai, toujours avec Aurélie Champagne. Et en tout, c'est près d'une quarantaine de rencontres qui vont être programmées cette année. C'est ça. Là, cette année, il y a 35 rencontres qui ont été organisées. Et effectivement, les auteurs circulent et sur tout le territoire, donc de Colmar en passant par Nancy, Villers-les-Nancy, Jarny, Pont-à-Mousson, mais aussi les Ardennes, les Vosges. C'est tout à fait itinérant aussi. qui est au plus près des élèves partout sur la région. Un mot peut-être aussi sur les partenaires de cette opération auteurs en lycée, et puis comment vous sélectionnez ces auteurs ? C'est un projet qui est financé par la région Grand Est et qui a été impulsé, je vous l'avais dit, par la Champagne-Ardenne et donc maintenant suivi par la région Grand Est. La DRAC Grand Est est aussi notre partenaire qui soutient l'association au titre du fonctionnement. Et puis pour le comité de sélection et pour suivre l'ensemble des auteurs qui vont sillonner toute la région, nous sommes partenaires de Canopée Grand Est, de l'association des libraires de l'Est, de la Maison des écrivains et de la littérature. Et puis, dans le comité de sélection, nous nous réunissons. Nous sommes des professionnels du livre de profils variés, une autrice, des professeurs documentalistes, des bibliothécaires, nous à l'association. Et donc, on va sélectionner, lire un peu tout au long de l'année les ouvrages qui pourraient correspondre, qui sont récents, dans leur actualité, dans leur thématique, et qui aussi ont été publiés en poche, puisque on essaye vraiment au maximum que les élèves puissent acheter chacun un exemplaire du livre et le lire à leur rythme et le faire dédicacer par l'auteur. Je profite aussi pour signaler que dans ces rencontres qui ont lieu dans les lycées ou parfois dans les médiathèques partenaires, on trouve aussi les libraires de proximité qui sont associés et qui peuvent aussi intervenir. C'est pas une condition parce que dans certains territoires, il n'y a pas toujours une librairie à proximité ou une médiathèque toute proche en capacité d'accueillir la classe, mais c'est tout à fait possible. Et donc l'idée, c'est aussi que la chaîne du livre se mobilise de l'auteur au libraire pour aller rencontrer ses jeunes lecteurs. Auteurs en lycée pour cette saison, c'est 35 rencontres au programme. Pour s'inscrire pour la saison prochaine, on peut déjà le faire. Les profs et les lycées peuvent déjà vous contacter. Oui, et puis alors sur notre site internet, interbibli.fr, dans l'onglet Vie littéraire, on a une page dédiée. Donc, faut pas du tout hésiter, si vous êtes lecteur, à aller regarder la présentation de tous les ouvrages que vous retrouvez ensuite en librairie et qui sont tout à fait tous très intéressants. Et puis, vous aurez comme ça aussi l'occasion de voir ce qui a pu se faire dans les années précédentes et de suivre l'appel à participer pour l'année prochaine. En général, on attend donc la rentrée scolaire et dans le courant du mois de septembre, on diffuse la liste des auteurs invités. Voilà, le site c'est www.interbibli.fr, Bibli avec un Y à la fin, pour retrouver toutes ces infos et concernant aussi le festival littéraire itinérant et qui aura lieu cette année. Alors, qui vient d'avoir lieu en novembre 2021, donc le prochain rendez-vous du festival, c'est 2023. Eh bien, on aura déjà toutes les infos sur le site, en tout cas. Merci beaucoup, Caroline Houdard. Avec plaisir, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.